15, 13, activation dictée, compte et dépenses. Écrivez en chiffres les prix que vous entendez. 1. Elle fait combien cette chute? 109 francs. 2. Il fait combien ce pull? 180 francs 50. 3. C'est combien une lettre pour les États-Unis par avion? 440. 4. Un timbre pour la France, s'il vous plaît. C'est combien? 2 francs 20. 5. Vous avez des foulards Hermès? Oui, vous en avez à 445 francs et à 515 francs.